appelait sa bonnette parce qu'elle glissait tout le temps. Elle n'avait jamais de câlin, alors elle pleurait et elle maigrissait. Elle voyageait souvent, mais elle n'eut jamais d'amis. Elle ne connaissait que les moqueries, mais même les moqueries glissaient sur elle. Sa bonnette était donc seule parce qu'elle glissait tout le temps, et parce que tout glissait sur elle, rien ne l'atteignait, joie ou peine. Un jour elle pleura tant que ses pleurs devinrent des océans, et sa bonnette qui était déjà bien maigre devint l'eau savonneuse qui nettoie tout. C'est pour cela que le soir, elle cherche à rentrer dans tes yeux. Ne l'enlève pas, mes charmants, mes pleurs.